c'est la comète. Non, c'est la comète. Cousin, c'est la comète. Des rimes, salon, comète. Paris, arène, c'est la comète. J'apporte ma touche, je lave cartouche. Boum boum, un deck, il faut que tu te couches. J'ai l'air louche, toi-même tu es, c'est la routine. Vince qui l'air louche, rim broom, il me faut des groupies. J'te goupille la grenade, afk arsenal. Sache que la BS ne tire pas aux grenailles. Afk canaille, faut pas que tu me bats, écoute mon vécu. Afk ramé, comme une transac à l'arrêt de bus. Ça fait boum boum, rituel calife part en vadrouille. Le matos dans le coffre, pour poser partant partout. Afka, tragique, petite escale à Savigny. KMZ ajoute un 8, toujours la dalle, ouais ça veut nuire. Y'a partout l'envie de croquer, par n'importe quel moyen. Pas l'aventure des vies croquettes, sous Sky et Split, c'est qu'on se met bien. Crois pas que j'enfonce les miens, la croix c'est la seule promesse. Plutôt je renforce les liens, comme d'hab je continue, je progresse. Je représente le 35-16, débarque dans le 91. On est chaud comme la presse, le shit nous rend zen comme des bonzes. Y'a que des bons, y'a que des bons. Écoute ça même si t'es sourd, ici c'est le souk. C'est Gonzalez, je suis pas la petite risou. Je branche le matos, je suis en transe, pourtant je fais pas de slim face. Ça fume des gros pédos, Othello, bed and break fast. On est 7 comme les nains, le micro c'est blanche neige. On le pine jusqu'à l'aube, c'est du lourd et pas du léger. Là je te parle de 300 bornes, le home studio dans le BNB. C'est top départ sans faire semblant. Dispo prod, les frères en barre. Le 3-5B, AFK équipe. Le rituel, un gouffrier, putain de périple. Avec nos gueules, j'aventurier en full périph. Le saut à fond, j'invente rien. J'tape un freestyle, c'est Ren Panam et Savini. Si l'homme t'inquiète, comme d'hab, j'suis pas grave. Rien que j'me promène, comme ça j'finis. Un peu paumé, rien j'te promets. Un peu paumé, mec. Aïe. Les cousses viennent de Rennes, on a eu de la veine de naître. Imagine la peine d'une mère quand j'ai la laine du maire. Mes potes, tu sais, faut chante, chanter cette vie. Tu veux te propulser, mais réfléchis en attendant. Ma chérie, lèche ma cloche, j'aime la frotte. J'baisse ta robe et paye ma drogue. Hé ho, on rentre pas du boulot. Ma chérie, j'te dis hello, j'négocie une partouze rose. J'frappe ma terre d'asile, j'frappe comme un coup de tête sur ma terrazine. Faut que mes mots terrassent la zig, vu que le mal tenace sa grippe. Le tympan menace ta clique, dans la mélasse on se prend des claques. Mais toujours là après le plaquage, le rituel, le blague. Faut que tu le placardes, le mal sonore est transmissible. Prépare ta garde, son sommet, l'étrange missile. Au sommaire, on vous étrangle messieurs. Studio à l'hôtel, ça met la zizanie. Le rituel jusque Paname, fout la zig à nu. Aïe aïe aïe, c'est quoi les païas? J'rêve de Pattaya. Fume du bataille, j'suis Bretagne, c'est l'Algérie, mon pagaya. C'est bien connu, y'a que les chiens à la casse. Inutile de prendre ce flow, c'est le mien à la base. Le bilan dans la bouche, la mets bien à la bac. Ma voix sur la boucle, rien à la Fnac. 19 ans, la colle me pisse le foie. Et la prod se planque à chacune mes prises de voix.